et le ciel veille sur mon pays. Les hibiscus toujours fleurissent, j'ai ma bouée anchiorée et la conscience ankylosée. On s'est bâti une maison bleue, mais la blancheur dicte ses voeux. Kamsahamnida, Bakshuishi, Kambe Kambe, qu'est-ce qu'on en chie. Kamsahamnida, Bakshuishi, Kambe Kambe, qu'est-ce qu'on en chie. La nuit étouffe, le matin calme, je souhaite la paix par le napalm. Fleur de charron sur vos charognes, vient la morsure avant la grogne. Alors j'allume ma raison, je fais ma soft révolution du yin au yang. Je noue le lien, mes souhaits se font orwellien. Et dans l'espace saturé avance la masse ceinturée. On se piétine et se bouscule, on n'est pas seul en péninsule. Kamsahamnida, Bakshuishi, Kambe Kambe, qu'on en chie. Et peut-on seulement se rappeler cette chanson égarée. Ça faisait get love at any price. Ça faisait get love. Get love at any price. Get love at any price. Get love at any price. Nous ferons l'amour au Love Hotel. Je te dirai belle.